Canette, je t'ai vu. Canette dans mon cul. Un souffle dans la rue. Je t'ai tant attendu. C'est vous ma vie, avec vous.